La Parra Toros. This is Petit Bizet para la Société des Ambianceurs. And once again, I'm about to drop some serious Congolese flavor. So please have a seat and enjoy the trip. Thank you very much. Pues Ezaleli ya mabala ya sika Lokola angana yo tolingani mingi ye Toluka mwae ya kubanda libela Sai mingi na motema Baboti na biso babala na kala Jilelo yo bazali na makwela Tele matoke nekota la baboti Bae bisa biso sekele Ya libala Karo mama bolingo na wei Na kosala nini poyo linganga Karo mama bambanda na bambaka Kai kosuwe tonanga na motema Karo mama bolingo linganga Nyoso kosenga na koluka yango Karo mama bolingo tobalana Muzika Poli bala yanga na yo ebonga Karo mama bolingo na wei my bro, Gigi Botigwa. Kao mama bamba na nabangaka. Kai kusu eto nangana motema. Kao mama bolingo lingangai. Nyoso kosenga na koluka yako. Kao mama bolingo dobalana. Poli bala yangana yo ebonga. And Miguel, Miguel, I see you, bro. Special shout out to you too. See Carolina, thanks for really appreciate. Mama, okiminga na zemi,

Bonanino, triplega, boye, yo, ma. Pa, koyemba likolo na yo tika eto Papesa kamo te malenge nini yo mao Omega kangata likolo ya poso mama o yekani mama ngai oyo motema moto lokola na kubi likolo na mapeka e olilia ilia naka ilia ya zozo etikalise lisolo mama masolo masolo batikali olilia nakoma koloba mpona bolingo na yo olilia Lilia, et pourtant la pesa yo confiance, kasi yo bébisi. Kana nene o tiki ngai na bata, songa, melamba ya piyo, oganisa mama. Oh chéri Lilia, na komi décourage. Ay monte ma pasi mama, ya la nano na sima. Bomboni ma pena bino pasi, nini boko luka na limala. Na lebi. Bondela e cosa che singala motema bona nini Lilia e pourtant la pensa io confiance quasi io baby si cada degli oti kinga in abana zoga me la maia pio organizza mamma ma para e come passi sheri la Galilia mokeo sempre e bisio Lilia da gai la dala vi malembe o mi sanga mamma Yo kamate ya naga Songa nantako sherie Ozo kisinga na motema Bona nini Lilia E pourtant na pesa yo confiance Kasi yo baby si Yala denge otiki ngai na banda Songa Melamba ya piyo Oka nisa mama Yango eza lili kele mama Mango ndele yoko banza e Nikele bai Makolo na kokuma na pamwaye Okolinga tosongana wana ekokoma tota na ebisi olibela mama dale mira kote ayo ozo kisinga na motema bona nini Lilia e puto na pesa yo confiance kasi yo baby si yala nenge otiki ngai na bana songa mela maya pio oganisa mama Mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mama. Oh chérie Lilia, chérie Lilia, na komi décourage. Gai monte ma pasi mama, ela na nona sima. Omoni ma bena vino pasi, nini bokolo kana riba lae. Na lembe, kobonde lae. Ozo ki singa la monte ma bona nini, Lilia. Et pourtant la pesa yo confiance, kasi yo baby si. Yala nenge o tiki ngai na bana, zoga. Babara te koma pasi chéri na galilia mokeo na emisio lilia na kai na dala bima leme omisanga mama yo kamatea na ga songa na tako chéri ye ozo kisinga na motema pona nini lilia e puto na pesa yo confiance kasi yo baby si dala de yo tiki ngai na bana. Yango ezali likele mba mama rondele yoko banza e Mokolo na kukuma na bafuatir Mokoli gato songana Wana e kukuma krota Ebongi okanisa malamwe Nalembi itungisie Ozo kisinga na motema pona nini Lilia E puto na pesa yo confiance Kasi yo baby si Yala nenge otiki ngai na bana Zonga, mela mai a pio, no canisa mama. We'll be right back. Mama,

Bisonga tanti e mama. E cosa la soni pe passi e tanti e mama. Nazala kamo lolendo e balelo so kilikwe. Tantina oh tantina, tantina mama leke. Mama leke, no bala tanto ilunga. Na zongi poka tanti e mama e kosa la zongi pe pasi e tanti e mama na zala kamo lolendo e balelo so kilikwe tanti na oh tanti na tanti na mama leke no bana tanto ilunga e bandananga sekele ya bana yo diye ade wale. Ngombi bate ya kate mule mae, tina kabako takate na tina e. Alobi eko mi boye, tontina tala na miso. Antoine Loba. Ngombi bate ya kate mule mae, tina kabako takate na tina e. Alobi eko mi boye, tontina tala na miso. Nanga motema, ah, nga kwanganga. Eleka. Ringo Starr, Eleka Spaghetti. Ça c'est le casse à Mongo. Écoutez ça. Oka, oka, oka. Oh, bien le casse. Que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité, nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. TBK, sur le Sunku, Eden, moitié-moi, moitié-moi. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié-toi, moitié-moi. Sur le Sunku, pour l'African All-Star de Samuel Buana. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié-toi, moitié-moi. Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Oh, mamie chou, je serai toujours près de toi, mon amour de toujours. Tu es ma moitié, je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Bokati amote mai, tu es ma moitié, je t'aime toi chérie, moitié toi, moitié moi. Ma compagne de toujours. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Bokati amote mai, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Bokati amote mai. Hier c'était l'Éden, l'Éden d'aujourd'hui c'est cette terre. Simplifions-nous la vie chérie, pour le bonheur et l'amour. Tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Bokati amote mai, tu es ma moitié, je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Bokati amote mai. Bon accident, Benta. Yeah. Yeah. ngombele, iya mama ngombele. Aya ngombele, iya mama ngombele. Chéri nanga maneko, yela kana ndotongo. Lalo banini lisusu seki sangata nanzela ye. Aya ngombele, iya mama ngombele. Aya ngombele, iya mama ngombele. Moteme kondi kotoko wakinga ipama ye. Lalo banini lisusu tiki ngai tinate o tinate. Aya ngombele, iya mama ngombele. Aya ngombele, iya mama ngombele. Chéri nanga maneko, yela ngata mwabese. Lalo banini lisusu wakinga ipama yo, pama yo. Aya ngombele, iya mama ngombele. Aya ngombele, iya mama ngombele. Orchestre Bella Bella, Gombele, Foki Bongo. Petit Bizet para la Société des Ambianceurs, El Navarena, Musica Afro-Caribe Original, Of course people, don't forget to thank Bosigua, Darwin. Cartagène, Barranquilla. Hola Colombia. Thanks to Johnny. appreciate, bro. I really appreciate it. Stay tuned on the page for more content, more music, your DJ, your more good vibe. Peace. Les petits bisous. Voilà.